Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, Catherine de Médicis, reine de France. Elle se présente comme la veuve exemplaire, comme celle qui tient le pays, finalement un petit peu comme la mère du royaume, l'arbitre suprême. Mais elle a manifestement développé cette image, elle en a fait un mythe, elle a créé des monuments pour cela. Le grand monument de Saint-Denis, le tombeau des Valois, c'était une exaltation de son pouvoir comme détentrice de la couronne après la mort d'Henri II. L'historien Yvan Cloula, auteur de la biographie Catherine de Médicis à l'émission Des livres et des hommes en 1980, veuve d'Henri II, mère de trois rois de France, François II, Charles IX et Henri III. Catherine de Médicis traverse, pour ainsi dire, une grande partie du 16e siècle aux commandes de la France. Longtemps vue et présentée comme une empoisonneuse, prête à tout pour conserver le pouvoir, elle sera plus tard réhabilitée et plutôt présentée comme une vraie femme d'État. Depuis le 18e siècle, son bureau personnel est présenté comme le cabinet des poisons. Alors là, nous sommes au cœur même de la légende de Catherine de Médicis, c'est-à-dire l'endroit où elle aurait conservé ses poisons. Un endroit où des portes secrètes, qui sont commandées par des systèmes assez simples d'ailleurs, pris dans les plaintes. Alexandre Dumas nous le dit lui-même, dans La Reine Margot, eh bien là se trouve tout l'arsenal de Catherine de Médicis pour faire passer de vie à trépas ses adversaires. Cette légende n'est qu'une légende, la réalité est différente. Catherine de Médicis n'a pas utilisé ce mode de gouvernement. Aujourd'hui, historiens et intellectuels contestent cette légende noire. Jacques Lang, qui se passionne pour la culture et l'histoire de la Renaissance, participe à cette réhabilitation. Une sorte de malédiction s'est abattue sur Catherine. C'était une femme d'État, ou si on veut, c'était un homme d'État. C'est une personnalité qui domine tout le XVIe siècle avec François Ier. Et cette légende noire ne repose sur rien que sur des mensonges, des calomnies. Et je le dirais franchement, xénophobie. C'est l'historien Jean-François Solnon et l'ancien ministre de la Culture Jacques Lang que vous venez d'entendre dans cet extrait de l'émission française Secret d'Histoire pour nous présenter le parcours de Catherine de Médicis, pour nous parler aussi de l'importance qu'elle va avoir dans l'histoire de France. Je reçois l'historienne Emmanuelle Friant, qui est conseillère à la programmation et conférencière aux Belles Soirées de l'Université de Montréal. Emmanuelle Friant, bonjour. Bonjour Jacques. On surnomme souvent Catherine de Médicis la Reine Noire, Emmanuelle Friant. Pourquoi la Reine Noire? Alors, la Reine Noire, d'une part, parce que Catherine de Médicis a perdu son mari prématurément. Il est décédé à l'âge de 40 ans lors d'un accident de tournoi. Et à partir de là, Catherine ne se montre plus que dans ses voiles de veuve. Donc, la Reine Noire fait d'abord référence à son apparence, puisque pendant 30 ans, elle va porter le deuil de son mari. Mais d'autre part, ce terme renvoie aussi à la légende noire qui est attachée à Catherine depuis son accession au pouvoir. Et c'est encore une image qui reste dans nos imaginaires collectifs, comme vos extraits l'ont bien montré. Ce sont des rumeurs qui ont été répandues de son vivant et qui ont été reprises par les historiens et même par les romanciers, on pense à Alexandre Dumas notamment, qui ont contribué à entretenir cette légende noire. Cette légende empoisonneuse, puisque le deuil va la suivre. Bon, elle perd son mari, mais elle perdra ses fils qui accèdent tous au trône, mais qui meurent les uns après les autres. Depuis quelques années, cela dit, on redécouvre un peu Catherine de Médicis, Emmanuelle Friant. On peut parler, je pense, d'une certaine réhabilitation. À quoi ressemble donc cette nouvelle Catherine de Médicis? Mais vous avez raison, il faut attendre la fin du XXe siècle et même parfois le début du XXIe siècle pour que les historiens déconstruisent vraiment ce mythe, cette légende noire et révèlent le vrai visage de Catherine de Médicis. Alors les recherches les plus récentes ont mis en évidence les raisons déjà pour lesquelles l'opinion s'est acharnée sur elle, qui sont des raisons politiques, et elles mettent aussi en avant le talent et la finesse politique de cette reine qui a toujours cherché à préserver avant tout l'unité du royaume dans un contexte extrêmement troublé. Elle apparaît aujourd'hui comme une grande femme d'État qui a privilégié la raison d'État aux querelles de parti et qui a toujours mené une politique de conciliation entre catholiques et protestants et entre les grandes familles du royaume. Ouais. Et en plus, en bonne Médicis, c'est aussi une grande mécène. Et ça, les historiens le montrent de plus en plus. Ben parlons-en de cette branche des Médicis. Elle appartient à cette grande famille des Médicis de Florence. Où se situe-t-elle dans la dynastie des Médicis? Alors, elle naît à Florence en 1519 et elle est l'arrière-petite-fille de Laurent le Magnifique, le célèbre Laurent le Magnifique. Elle est la dernière héritière légitime de la branche aînée des Médicis, une dynastie qui a dirigé Florence depuis le XVe siècle. Donc, évidemment, à ce titre, elle est très convoitée par de nombreux prétendants parce qu'on est en pleine période des guerres d'Italie. Depuis la fin du XVe siècle, les États italiens sont convoités par les grandes puissances européennes et notamment par la France et par l'Empire. Et celui qui épouserait Catherine pourrait se réclamer du nom et de l'héritage des Médicis pour s'imposer à Florence et puis jouer un rôle politique important. Et celui qui remportera la mise, si je puis dire, c'est Henri II. Comment et dans quelles circonstances Catherine se retrouve-t-elle à épouser le futur Henri II? Alors, c'est justement le pape Clément VII, qui est un Médicis et qui est le grand-oncle de Catherine, qui va présider à sa destinée. Il mène une politique un peu louvoyante entre Charles Quint et François Ier. Il essaye de jouer l'un contre l'autre. Alors, il va chercher à s'allier à la France en mariant Catherine au fils cadet de François Ier, Henri d'Orléans. C'est important de noter qu'elle est mariée au cadet et pas au fils aîné, oui. Parce qu'elle n'est pas destinée à régner sur la France. Elle est d'origine trop peu importante. Si sa mère est une princesse française, son père est un Médicis et les Médicis ne sont pas des aristocrates, ce sont des banquiers. Oui, mais l'histoire de Catherine de Médicis n'est que ça, en fait. Ces rebondissements, ces imprévus qui font qu'elle entrera dans la grande histoire de France. Puis on expliquera et on y reviendra dans un instant plus en détail. Un petit mot quand même sur ce couple que forme le futur Henri II, Henri d'Orléans et Catherine de Médicis. Quel genre de ménage font-ils, Emmanuel Friant? Ben, Henri, c'est un personnage assez taciturne. Hein. Il a eu une enfance difficile, il a perdu sa mère très jeune. Il a passé 4 ans, entre l'âge de 7 ans et l'âge de 11 ans, dans une prison madrilène parce qu'il était l'otage de Charles Quint. Charles Quint espérait ainsi que François Ier respecterait des clauses d'un traité de paix. Donc évidemment, ça a joué sur son caractère. Et en plus, il se trouve que le cœur d'Henri est déjà pris par la belle Diane de Poitiers, qui est une dame de la cour, qui est de 20 ans son aînée, et qui deviendra sa maîtresse et qui va rester sa favorite jusqu'à sa mort. Donc Catherine arrive à un moment où son mari, déjà son cœur est déjà pris, et puis elle n'est pas très attirante, elle n'est pas très jolie, donc Henri n'est pas du tout attiré par sa jeune épouse. Catherine va bénéficier cependant de l'affection de son beau-père. François Ier apprécie beaucoup son esprit vif, sa culture, son goût pour l'équitation. Mais dans ce ménage, Catherine reste évidemment effacée au profit de Diane de Poitiers. Alors tout va changer pour elle en 1536 parce que le fameux dauphin, l'héritier du trône, décède brutalement. À ce moment-là, Catherine devient la future reine de France. Donc elle joue un rôle beaucoup plus important et là, il y a une pression sur elle pour qu'elle donne enfin un héritier à la France, puisque le mariage est stérile. Et alors que tous les espoirs reposent sur le couple, Henri a déjà une fille légitime, donc évidemment l'opprobre retombe sur Catherine. Henri envisage d'ailleurs de la répudier. Et Catherine va trouver un soutien inattendu du côté de sa rivale, puisque Diane de Poitiers n'a pas du tout l'intention de voir Catherine remplacée par peut-être une plus séduisante et jolie nouvelle princesse. Elle a tout intérêt à garder Catherine, qui est plus effacée, plus discrète. Et Diane va faire pression pour que Catherine ne soit pas répudiée. Et on réalise que le problème de stérilité vient de l'époux. L'époux ayant un problème physique qui l'empêche de procréer dans certaines positions traditionnelles. Donc une fois le problème identifié, ça fonctionne et Catherine va donner 10 enfants à son mari, dont 7 vont parvenir à l'âge adulte, parmi lesquels 4 fils. Donc là, la dynastie est assurée, Catherine a accompli sa mission. Et puis, donc, à la mort de François Ier, c'est Henri II, c'est Henri d'Orléans, donc le mari de Catherine, qui devient roi. Et en 1559, quand il meurt, vraiment, à ce moment-là, bascule le destin de Catherine de Médicis. Le 28 juin 1559, le roi de France, Henri II, participe à un tournoi qu'il a lui-même organisé pour saluer le double mariage de sa fille et de sa sœur. Dans les tribunes, il y a son épouse, la reine Catherine de Médicis, mais également sa favorite, Diane de Poitiers. C'est le dernier jour du tournoi. On presse le roi de passer son tour, car à 40 ans, il n'est plus très jeune. Que nenni, Henri remonte en selle. Les trompettes sonnent la charge. Il lève sa lance et désarçonne son premier adversaire. L'assistance pousse un hurlement de joie. Henri gagne son deuxième combat. reste à affronter Gabriel de Montgomery, le capitaine de sa garde écossaise. Lors du choc, les deux lances se brisent. On pourrait s'arrêter là. Mais le roi exige un nouvel assaut. Ni la reine, ni la favorite ne parviennent à l'en dissuader. Le choc est terrible. Un éclat de la lance du capitaine des gardes s'introduit sous la visière du casque du roi. Celui-ci glisse lentement à terre sous les cris désespérés de la foule. Le quatrième jour après sa blessure, le roi reprend brièvement connaissance avant de retomber dans le coma. Finalement, le 10 juillet 1559, après 10 jours d'atroces souffrances, Henri II meurt vers 15h. Le règne de Catherine de Médicis débute. Extrait d'un balado de Frédéric Lévineau préparé pour le magazine Le Point en 2019. Alors, c'est à la mort de son époux Henri II que Catherine de Médicis devient reine-mère, Emmanuel Friant. C'est cette mort-là, au fond, qui l'a fait entrer dans la grande histoire de France. Quel genre de rôle a-t-elle durant le règne du premier de ses fils qui sera roi, François II? Mais le rôle n'est encore pas très affirmé puisqu'elle n'est pas régente à ce moment-là. Son fils François II a 15 ans, il est majeur, donc c'est lui qui théoriquement administre son royaume. Catherine n'est que la reine-mère. Elle est encore relativement effacée parce que François II a épousé Marie Stuart, la reine d'Écosse, qui est apparentée aux Guises. Et donc c'est la puissante famille de Guise qui a de l'influence sur le roi. Catherine, cependant, commence à dessiner les contours de sa ligne politique, car elle est naturellement portée à la modération. C'est quelque chose qu'elle va déjà appliquer à ce moment-là. Elle a une vision très pragmatique de la politique. Pour elle, la raison d'État, ça doit passer avant tout. Donc, elle est toujours partisane de la négociation. Donc, c'est quelque chose qu'elle apprend tranquillement sous le règne de François II, un règne très bref, puisque François II était de santé très fragile et décède à l'âge de 16 ans en 1560. Et à la mort de François II, c'est Charles IX qui accède au trône. Il n'a, lui, que 10 ans à ce moment-là. Et donc, Catherine se fait alors nommer régente. À quoi ça va ressembler, son règne, le règne de Catherine de Médicis, parce que c'est elle qui est aux commandes à ce moment-là, sous Charles IX? Oui, cette fois, les choses changent parce que cette fois, elle est régente, elle a le pouvoir. Elle se fait nommer régente justement pour pas privilégier une grande famille par rapport à une autre. Donc, pas les Guises, ni les Bourbons, ni les Montmorency. Elle veut vraiment éviter ces querelles. Alors, sous sa régence et sous le règne de Charles IX, ben, le point le plus important à noter, c'est le début des guerres de religion. Hein. Oui. On date le début de ces guerres de mars 1562. C'est le moment où le duc de Guise laisse massacrer des protestants dans un petit village qui lui appartient. Et c'est vraiment le début du conflit armé. Le conflit était larvé et là, les deux partis politiques, catholiques et protestants, s'organisent maintenant militairement. Donc il y aura 8 guerres de religion entre 1562 et 1598 et ça commence là. Oui. L'événement qui va mettre le feu aux poudres et qui va mener à la fameuse Saint-Barthélemy, c'est le mariage de Marguerite de Valois, la sœur du roi, la fille de Catherine, avec l'un des chefs du parti protestant, Henri de Navarre, le futur Henri IV. C'est pour Catherine l'apothéose de sa politique de réconciliation. Hein. C'est toujours très symbolique ce mariage de son désir de maintenir un lien entre les catholiques et les protestants. On est en août 1572, il fait très chaud, ça se passe à Paris, les Parisiens sont farouchement anti-protestants, ils pensent que cette union est absolument contre nature. Paris, c'est une ville qui a toujours été très instable, et puis là, subitement, des milliers de protestants arrivent de partout pour assister au mariage. Et là, toutes les conditions vont être réunies pour l'explosion et pour le massacre de la Saint-Barthélemy. Et ce massacre, il a lieu le 24 août 1572. Qu'est-ce qui se passe exactement ce jour-là? Mais en fait, 2 jours avant, le 22 août, l'amiral de Coligny, qui est conseiller du roi et chef du parti protestant, échappe de peu à une tentative d'assassinat. Et à partir de là, donc dans ce contexte dont je vous parlais, les esprits s'échauffent, les protestants crient vengeance, les catholiques craignent des représailles, Paris est en ébullition. Et le 24 août, le roi se décide à commander l'exécution des principaux chefs protestants, pensant apaiser les esprits, pensant peut-être que, privés de leur chef, les protestants allaient se disperser. Et donc, dans la nuit du 24 août, le tocsin sonne, appelant au massacre. Et très vite, le massacre devient ingérable. Charles IX va essayer d'arrêter ce massacre, mais on assiste à un tel déchaînement de violence qu'on ne peut plus rien faire toute la nuit. Et pendant 5 jours, on tue non seulement les chefs, mais on tue tous les protestants, puis on tue des catholiques, et puis tout le monde s'entretue. La tuerie déborde Paris, se rend jusque dans les provinces. Et aujourd'hui, on parle d'ailleurs plutôt d'une saison de la Saint-Barthélemy plutôt que d'un massacre de la Saint-Barthélemy, parce que dans les provinces, la tuerie va durer jusque septembre, voire octobre dans certains endroits. Et l'une des questions qui a longtemps fait débat, Emmanuel Friant, c'est parce que cet événement que vous venez de nous décrire, c'est vraiment le massacre de la Saint-Barthélemy, quelque chose qui a été marquant du règne de Charles IX, mais plus largement de cette période précise de l'histoire de France. Et l'un des éléments qui fait débat, qui a longtemps fait débat, c'est quel rôle a joué Catherine de Médicis dans ce fameux massacre. Mais les historiens ont encore du mal à s'accorder sur ce point aujourd'hui parce qu'on manque évidemment de sources fiables et précises pour déterminer le degré d'implication de Catherine. La légende noire veut que ce soit Catherine qui ait commandité le meurtre de Coligny et qu'elle ait ensuite poussé son fils à ordonner la mort de tous les chefs pour éviter une vengeance. Certains disent même qu'elle aurait attiré à dessein les protestants à Paris sous le prétexte du mariage de sa fille pour en tuer le plus possible. Elle aurait agi ainsi parce que Coligny aurait poussé le roi à lancer une grande campagne militaire contre le roi d'Espagne. Or, on sait aujourd'hui d'une part que Coligny n'avait pas autant d'influence qu'on le pense sur le roi et qu'en plus, le Conseil royal avait déjà rejeté ce projet de guerre contre l'Espagne. Donc, il n'y avait pas de raison pour Catherine de faire assassiner Coligny. Et puis, en plus, un tel assassinat va complètement à l'encontre de sa politique de consignation qu'elle mène avec difficulté et avec détermination depuis tant d'années. Donc aujourd'hui, on a plutôt tendance à chercher les coupables du côté des Guises. Certains pensent que peut-être un des plus jeunes frères du roi, le futur Henri III, aurait peut-être trempé dans cet assassinat et que Catherine aurait eu peur de représailles. En tout cas, on est certain que le roi n'avait pas les moyens de défendre les protestants contre la foule catholique, contre les Parisiens en colère, contre le parti des Guises, alors que Catherine et Charles se sont probablement résignés, faute de pouvoir l'empêcher, à ce que les Guises s'en prennent aux quelques chefs protestants proches de Coligny, sans envisager à aucun moment que le massacre pourrait prendre une telle ampleur. Ouais. Vous parliez d'Henri III, c'est lui donc qui, à la mort de Charles IX, devient le troisième fils de Catherine de Médicis à accéder au trône. Comment se passe cette cohabitation entre Henri III et sa mère? Que devient Catherine de Médicis sous le règne d'Henri III? Alors, on pourrait penser qu'Henri III lui accorde une large place aux commandes de l'État, puisque c'est son fils préféré, probablement parce que c'est le plus italien, le plus cultivé. Elle aimait tous ses enfants, hein, contrairement à ce qu'encore une fois la légende noire a pu penser, mais Henri est le préféré. Alors, on pourrait s'attendre à ce qu'il utilise beaucoup les talents de Catherine, mais en réalité, quand il monte sur le trône, lui, il est adulte, il a été associé très jeune aux affaires et il administre lui-même son royaume. Cependant, Catherine n'est pas en retrait. Henri prend conseil auprès d'elle, même s'il ne se sent pas tenu de suivre tous ses avis. Et puis surtout, il recourt à ses infatigables talents de négociatrice. Sous le règne d'Henri III, alors qu'elle est âgée, on la voit encore parcourir le royaume, parce qu'au fond du sud de la France, il y a des gens qui ne s'entendent pas. Alors elle repart infatigable pour soutenir cette politique modérée, pour négocier sans cesse, pour réconcilier les partis. Alors, sous le règne d'Henri III, le problème est qu'Henri III n'a pas d'enfant, ce qui mène à une grande instabilité politique, puisque n'ayant pas de fils, l'héritier, c'est Henri de Navarre, donc un protestant. À partir de là, évidemment, il y a des prétendants, notamment les Guises. La France est à feu et à sang. On est toujours dans le contexte des guerres de religion. Et Paris s'agite. À nouveau, Paris soutient les Guises contre le roi, qu'on juge trop modéré. Et en 1588, le roi est obligé de quitter sa capitale. Et pendant que le roi s'enfuit, c'est Catherine qui tient un peu la boutique, si je peux dire, qui maintient une présence royale à Paris, dans un Paris déchaîné. Les Parisiens ont monté des barricades, les rues sont hérissées de barricades. Mais Catherine, elle franchit les barricades à pied, dans les rues de Paris, pendant que son fils se réfugie à Blois, où elle va le rejoindre quelques temps plus tard et où elle va décéder le 5 janvier 1589. Vous avez évoqué, dès le début de l'émission, le côté mécène qui est important qu'a eu Catherine de Médicis. C'est une belle façon aussi de terminer cette émission pour parler de son legs, de l'héritage qu'elle nous laisse, un héritage parfois très concret. On en parle dans un instant, mais d'abord, voici un extrait de l'historien Jean-Pierre Poirier, auteur de la biographie Catherine de Médicis, épouse d'Henri II. Il parle de ce côté mécène de Catherine de Médicis à Patrice Gélinet à l'émission 2000 ans d'histoire en octobre 2009. C'était une femme qui aimait les fêtes, qui aimait les plaisirs. Oui, d'une part, elle était très gourmande, ce qui explique qu'arrivée à la maturité, elle est devenue assez corpulente. Elle aimait beaucoup manger. On sait par les récits contemporains qu'elle a failli crever d'indigestion pour avoir abusé un jour d'un ragoût de cul d'artichaut et de crête de coq. Mmh. C'est une gastronomie dont nous sommes peu familiers, mais enfin, elle raffolait de ce plat. Elle a apporté beaucoup de choses d'Italie, notamment la cuisine italienne, beaucoup de noms de cuisine. Mais l'art italien, c'était une femme qui aimait l'art, qui aimait la musique. Et au fond, plus peut-être que François Ier, elle a amené la Renaissance italienne en France. Alors, je dirais pas plus que François Ier, je dirais autant. Et d'ailleurs, cet amour commun a beaucoup fait pour la réussite ultérieure de Catherine de Médicis, parce que c'est grâce à sa très bonne culture artistique et au fait qu'elle pouvait accompagner François Ier dans les visites qu'il faisait à ses diverses créations de châteaux, en particulier à Fontainebleau, qu'elle a vécu quotidiennement auprès de François Ier, qui avait beaucoup de tendresse pour sa belle-fille, et il n'est pas douteux qu'elle a appris beaucoup à son contact. En plus, comme elle a monté fort bien en Amazone, chose qui était tout à fait nouvelle pour l'époque, elle l'accompagnait à la chasse, et de sorte qu'elle a été très familière de François Ier, et que je pense qu'elle a appris en fait la politique à son contact. Alors, terminons cette émission, Emmanuel Friant, en parlant justement de cette femme de culture qu'a aussi été Catherine de Médicis, du legs également qu'elle laisse à ce titre à la France. Mais effectivement, les Médicis furent de grands mécènes et Catherine, en bonne Médicis, le fut aussi. Elle a une solide culture humaniste, elle aime vraiment les arts. C'est une grande collectionneuse d'art. Son inventaire personnel recense 450 tableaux. Elle possède également plus de 2000 livres imprimés, près de 800 manuscrits. Elle protège les poètes, elle connaît le grec, elle lit la philosophie. On l'a entendu dans votre extrait, elle aime le théâtre, elle aime l'opéra. C'est elle qui commande les premiers ballets de cour à la fin du XVIe siècle. Mais en bonne Médicis, elle n'utilise pas l'art que pour le plaisir, mais aussi pour la politique. Donc elle utilise l'art pour glorifier une dynastie qui, en plus, est moribonde. Alors justement, il faut d'autant plus l'ancrer dans des lieux. Elle fait bâtir des châteaux, rénover des châteaux, de manière à, comme je vous le disais, ancrer dans l'immuabilité des pierres, l'immortalité de la dynastie. Elle utilise aussi beaucoup les jardins, ça c'est très italien, l'art de maîtriser la nature et l'espace, ça renvoie à l'art de gouverner de manière raisonnée, de maintenir l'ordre. Alors c'est très symbolique, l'art des jardins sous Catherine de Médicis. Elle y fait donner de magnifiques réceptions où elle va convier les parties ennemies, pensant qu'on se réconcilie mieux lors d'une fête que sur un champ de bataille. Donc elle utilise vraiment l'art pour servir sa politique. Emmanuel Friant, historienne, conseillère à la programmation et conférencière pour les belles soirées de l'Université de Montréal, ça a été un bonheur de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.